cristal. Elle vivait chez moi comme un jeune animal. Elle avait le goût du nouveau monde, des nouvelles blondes, et je fume un peu trop. Elle changeait de place, mes meubles et mes idées. Elle aimait l'automne et les cafés glacés. Elle ne m'a laissé qu'un chagrin qui sonne, des messages d'amour, sa voix au magnétophone. Chagrin qui sort, des messages d'amour, sa voix au magnétophone. Je veux dormir avec toi. Elle dormait dans mes bras. Faire l'amour avec toi. Quand elle me disait ça. Dis-moi quand, dis-moi où. Je vais devenir fou. Appelle-moi quand tu veux. Le blond de ses cheveux. Je t'embrasse et je t'aime. Des messages d'amour, sa voix au magnétophone.